Hi everyone. Thank you.

Thank you. ami qui fait pas rire les notables. Oui, je la fais, je le mets, les cartes sur la table. Le mix qui n'écoute pas de vote, je le fais cool pour pas qu'on s'y casse les côtes. Thank you. Thank you.